Chapitre 9e. Pour Harmonie, le repas passa comme dans un rêve. Si on lui demanda ce qu'elle avait avalé, il aurait été bien en peine de le relater. Aucune parole ne fut prononcée. Seul le regard disait tout l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Au dessert, Jérémie dut cependant lui demander « Voudrais-tu me confier ta carte clé pendant que je préparerai les injections ? Ronnie te tiendra compagnie et dès que tout sera prêt, je l'appellerai. Je ne veux pas te stresser avec tous ces procédés. Tu as déjà subi suffisamment d'examens et de prélèvements de toutes sortes. Je veux te préserver, mon amour. » Harmonie ne put encore une fois que se féliciter d'avoir rencontré cet homme. Selon elle, il était si parfait qu'elle imaginait se réveiller d'un instant à l'autre. Et pourtant, lorsqu'il prenait sa main, l'embrassait éperdument, il était réel, si réel. Elle lui confia sa clé. Jérémie envoya un message à son fils. Viens donc déguster un café avec Harmonie. J'ai besoin de toi immédiatement, mais attends que je sois à la suite. Je t'attends, fut la réponse de Ron. Jérémie se leva de table et baisa la main de la femme qu'il adorait. Il prit l'ascenseur. Le navire semblait si vide. C'était parfait pour ce qu'il devait faire. Arrivé à sa cabine, Ronnie lui fit un clin d'œil complice et sortit aussitôt. Fais attention à ton téléphone. Il faut cadrer tout ça en un temps record, pendant que le plus gros des passagers est encore à terre. Aucun problème, Dad. Ron retrouva Harmonie à l'entrée du restaurant. J'aimerais faire une petite promenade sur le pont. Est-ce que tu tiens à ton café? Demanda-t-elle. Pas vraiment. Allons-y. Prendre un peu l'air me fera du bien. Je suis enfermé dans cette cabine depuis bientôt 4 heures. J'en deviens claustrophobe. Ils sortirent et une bouffée d'air iodé leur ébouriffa les cheveux. Le pont était sombre, la nuit sans lune. Pourquoi ce pont est-il plongé dans l'obscurité ce soir? Aucune idée. Peut-être que quelques ampoules ont grillé, ou ils font un peu d'économie d'électricité puisqu'il n'y a pas grand monde. Soudain, près d'une chaloupe, un individu surgit. Elle reconnut aussitôt l'homme maigre et voûté de la suite au fond de la coursive et poussa une exclamation de peur. Il se tenait devant eux, un pistolet à la main. Avancez jusque-là, dit-il d'une voix métallique. Plus vite, fit-il donnant une bonne bourrade dans le dos du jeune homme qui trébucha. Harmonie, malgré la peur qui montait en elle, s'insurgea. Doucement, que voulez-vous? Vous le savez, c'est lui, c'est l'homme qui a volé ma clé USB. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ah non, eh bien peut-être que lui comprend, fit-il méchamment en se tournant vers Ron. C'est un ami, il ne sait rien, je vous assure. Je vous ai vu avec lui hier et encore aujourd'hui. Vous m'avez dit qu'un ami à vous était entré dans ma cabine. Je ne vois que lui. Il poussa le jeune homme le long du bastingage. Mon offre est claire. Vous me rendez mon bien et vous êtes libre. Si vous faites des difficultés, je vous jette par-dessus bord et je m'occuperai de la petite dame ensuite. À vous de voir. Harmonie, à présent terrorisée, ne savait plus comment aider le jeune homme. Quand au détour d'une chaloupe, un autre homme surgit. Il donna un coup de poing sur l'avant-bras de l'agresseur. Le revolver tomba à quelques pas. Pendant ce temps, l'homme maigre chercha à se défendre, mais l'autre, plus grand et plus fort, eut au fait de l'assommer d'un bel uppercut à la mâchoire. « Vite, donnez-moi cette arme, » ordonna-t-il à Harmonie. Elle la lui tendit et il la jeta par-dessus bord. Il entreprit ensuite de relever l'homme et de lui faire suivre le même chemin. Harmonie, horrifiée, hurla presque. « Mais que faites-vous? Vous êtes fou ?»« Madame, je vous ai sauvé la vie, croyez-moi. Il n'aurait pas hésité à tirer sur votre jeune ami ici présent et ensuite vous faire subir le même sort. Laissez-moi m'occuper de cela sans vous immiscer davantage. Vous avez autre chose de bien plus important qui vous attend, ce me semble. » Comment cet homme pouvait-il être au courant de ce que Jérémie et elle allaient faire? Mais ce n'était probablement pas le moment de s'en préoccuper. Cet homme n'avait pas tort. Après tout, ce n'était pas son affaire. Un rien de culpabilité la taraudait encore bien, jusqu'à ce que le téléphone de Ron se mit à sonner. Le jeune homme lui fit signe qu'il était l'heure de monter à la suite. Avant de le suivre, Harmonie se retourna pour remercier leur sauveur, mais ce dernier avait disparu dans la nuit. Elle tremblait encore et sentait que le jeune homme aussi n'était pas remis de cette drôle d'aventure. Elle lui prit le bras et en silence, ils prirent l'ascenseur pour le pont 11 où se situait sa cabine. Jérémie leur ouvrit aussitôt. Devant la pâleur de son fils et de la femme qu'il aimait, il se douta que quelque chose de grave venait d'arriver. et lui narrèrent tout d'une seule traite. À son tour, Jérémie pâlit, puis sortit son téléphone. Une rage froide l'avait envahi. Devant Harmonie et son fils ébahi, il entra en communication. Bonsoir, monsieur Emerson, que pouvons-nous faire pour vous? Vous m'aviez promis une protection. Comment cet individu pouvait-il avoir un revolver avec lui? Très simple, avec un matériau composite, le tout fabriqué par une imprimante 3D. C'est courant de nos jours. Une espèce de plastique indétectable par les portiques de sécurité. Mais nous avions prévu la chose. Ne sont-ils pas sains et saufs tous les deux? Certes, mais ils auraient pu. Mais cela n'a pas eu lieu. Calmez-vous, Emerson. La menace est effacée. Il n'y a plus personne à bord pour vous ennuyer. Cependant, n'oubliez pas de nous donner vos coordonnées lorsque vous débarquerez. Bonne nuit, monsieur Emerson, et rappelez-vous que nous attendons l'envoi total de ce que vous savez dès demain soir, après votre petite excursion à Pompéi et au Vésuve. Aucun problème. La communication fut coupée. Jérémie tremblait d'une rage contenue. J'aurais dû être là, c'est entièrement de ma faute. Mon Dieu, s'il vous était arrivé quelque malheur, jamais je n'aurais pu m'en remettre. Ron mit la main sur l'épaule de son père et la pressant lui dit: Tout va bien, n'est-ce pas, Harmony? Nous avons eu plus de peur que de mal. Et moi qui voulais que tu sois détendu pour commencer le traitement, c'est gagné. Ne t'en fais pas, je vais bien. Ton fils est très courageux, comme son père. Je suis encore un peu chamboulé, c'est vrai, mais je vais bien. Que dois-je faire? Rien de bien compliqué. Tu vas t'allonger. Je vais te mettre une perfusion qui durera 1 heure et demie. Pendant ce temps-là, tu vas ressentir une forte chaleur dans tout ton corps. Pas au point de brûler, mais très chaud quand même. Ne t'affole pas, je serai à tes côtés. Tu vas certainement t'endormir au bout d'une trentaine de minutes. Je reste là. Lorsque la première injection sera terminée, je dois attendre 1 heure avant de te perfuser la seconde, ainsi de suite jusqu'à la troisième. Tu ne sentiras rien. Tu vas au contraire dormir très bien, d'un sommeil profond. Demain, tu te réveilleras vers 9 heures, parfaitement reposé, et je serai toujours là. Tu vas être très fatigué. Non, crois-moi, j'ai l'habitude de passer des nuits blanches à travailler. Et puis, je veux que tu sois bien en forme. J'ai préparé une sortie pour demain. Une sortie? N'est-ce pas prématuré après 3 perfusions? S'exclama-t-elle. Non, mon produit est efficace et très rapide. Lorsque nous débarquerons, tu iras passer un scanner et tu comprendras. Mais demain, tu te sentiras si bien que tu te demanderas si tu es encore malade. Je le serai encore, n'est-ce pas? Oui, je te l'ai dit, tu seras en rémission. Mais je vais chercher jusqu'à ce que je trouve. Et je trouverai pour toi avant tout, et pour tous ceux qui subissent cette épouvantable maladie. Je dois rester, papa. Vas-tu avoir encore besoin de moi? Non, tu peux aller dormir tranquille. Merci, fiston. De rien, je t'assure. Mais si jamais cette nuit tu avais besoin de moi, n'hésite pas. Je n'éteins pas mon téléphone. Jérémie embrassa son fils, le serrant fort contre lui. Harmonie, à son tour, fit sonner 2 gros baisers sur ses joues. Elle passa dans la salle de bain et enfila un peignoir en satin ivoire. Puis elle s'allongea sur son lit et attendit que Jérémie mette en place la première perfusion. Lorsque ce fut prêt, elle ferma les yeux et dit doucement: Merci, mon amour. Si seulement j'avais pu mieux faire. Elle lui prit la main et l'embrassa à son tour. Tu ne sais à quel point tu me donnes de l'espoir et l'envie enfin de vivre. Même si ce n'est que 5 années, je les espère longues, belles, mais uniquement avec toi. Jérémie avait des larmes dans les yeux. Il se détourna légèrement et d'une voix douce. Je t'ai aimé aussitôt que je t'ai vu dans ce restaurant, et d'un amour si puissant, si intense, que m'arracher à toi désormais signerait mon arrêt de mort. Il se pencha sur elle et l'embrassa fiévreusement. Elle l'attira tout contre son corps et leur baiser devint brûlant. L'injection peu à peu commençait à faire son effet. J'ai l'impression d'avoir en moi le soleil, dit-elle. C'est joli ce que tu dis, mon amour. C'est seulement un peu de moi qui désormais sera dans tes veines. J'ai mis certaines de mes cellules dans ce produit. Il vit que peu à peu elle fermait les yeux. Elle s'endormit enfin paisiblement, si paisiblement que soudainement Jérémie eut peur. Il tâta son pouls et, rassuré de le sentir si régulier, se calma. La nuit serait longue, mais l'espoir était au bout. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Le jour était levé depuis bien longtemps. Une belle journée s'annonçait. Tournant la tête, elle distingua Jérémie, penché sur sa main, endormi. Elle lui caressa doucement les cheveux. S'éveillant en sursaut, il la regarda inquiet, avec des yeux tout embrumés de sommeil. « Comment vas-tu? »« Je me sens très bien. Légère comme une bulle de savon. Je ne m'étais pas sentie aussi bien depuis... Je ne m'en souviens même plus. « Pas de vertige, de nausée? »« Rien de rien. Mais il faudrait que je me lève, peut-être. »« C'est une bonne idée, » fit-il en l'aidant. Harmonie se dressa sur des jambes un peu tremblantes, plus par l'appréhension que pour des raisons médicales. Elle fit quelques pas et retrouva peu à peu son assurance. Un grand sourire éclaira son visage. « Je me sens en pleine forme, tu avais raison. J'ai même très envie de passer sous la douche. Je reste ici, je vais attendre un peu. J'ai une idée, pourquoi ne pas prendre le petit déjeuner ensemble? Nous pourrions avertir Ron. Certainement, il doit dormir encore, mais il sera heureux que tout se soit bien passé. Prends ta douche, habille-toi. Ensuite seulement, je rentrerai et nous reviendrons une fois prêts. »